À gauche du véhicule de la poste, la ligne jaune sur le trottoir ainsi que la croix jaune interdisent le simple arrêt, donc le stationnement. La signification de ce type de marquage n'est pas systématiquement renforcée par un panneau d'arrêt interdit. Je dois chercher ailleurs un emplacement pour me garer. Réponse B.